Sunshine, sunshine. 啊，热，热死了。BPI 16. Grizzly. Sur le piano, as-tu omis de m'en parler? Quoi, tu m'écris toujours ces mots qui font mal à en crever? Welcome, great day, TBFX. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Well, songs, songs, again, song. Composition, Queen of Music. Il y a 25 ans, moi je me rappelle, nous étions enfants, mademoiselle. Ce soir de Noël, nous étions heureux. Et j'étais fidèle, mademoiselle. Moi je voudrais qu'on donne un peu plus de temps pour nous, un peu plus de temps chaque fois, chaque jour. Moi je voudrais qu'on se donne de l'amour pour toujours. Moi je voudrais te donner le feu, ce qui me reste. Mademoiselle. Ce soir de Noël, nous étions enfants. Et comme un infidèle, mademoiselle. Ok, what are you playing? Oh, yeah.